En 1510, mesdames, messieurs, paraissait un livre intitulé « De cardinalatu ». Il était dédié au pape Jules II. Son auteur, Paolo Cortesi, le rédigea dans la quiétude de sa villa de San Gimignano. Il n'en nourrit pas moins la matière de son œuvre de l'expérience de plus de 20 années qu'il acquit comme scripteur puis comme secrétaire à la cour vaticane du pape Alexandre VI Borgia. Les titres des trois livres de cet ouvrage, Ethicus et Contemplativus, Economicus et Politicus, suffisent à traduire les facettes de l'existence pour laquelle, selon Cortesi, le cardinal se devait d'opter. Rectitude religieuse, rigueur morale et engagement politique, tels sont les maîtres mots. Tout particulièrement cette dernière valeur, usque ad effusionem sanguinis, symbolisée par la pourpre, serait-on tenté de dire. Ça s'avère d'autant plus vrai dans le chef de Cortesi que cet auteur avait initialement l'intention de rédiger un De Principe, projet qu'il abandonna lorsqu'il se rendit compte que, en termes de poids et d'avenir, à des États italiens laïcs fragilisés, se substituait l'Église de Rome, véritable épicentre de la vie politique et culturelle contemporaine, dont le souverain chef maniait à la fois et sans vergogne le glaive et l'excommunication et se montrait prodigue de plantureuses carrières et d'opportunes filières de promotion sociale. C'est aux cardinaux et aussi aux évêques princiers et curiaux des XIVe, XVIe siècles que fut consacré le colloque international qui s'est tenu à Tournai et à Lille les 18 et 19 mars 2011, colloque organisé par Monique Maillard-Leupart, Bertrand Schnerb et moi-même, à ceux donc qui se révèlent être des figures paradigmiques, tout particulièrement aux confins des XVe et XVIe siècles, le tout dans une perspective extrêmement large et aussi beaucoup moins codifiée, parce que privée sans doute, de beaucoup moins codifiée que nous n'allons voir ici, sans doute parce que privé de toute la réflexion que l'on doit à notre collègue et ami Benoît Pierre et à ses travaux récents sur la question, mais aussi peut-être parce que le colloque de Lille-Tournai est de ceux que d'aucuns considèrent comme faisant partie d'un ensemble, d'une succession qui a pour but de situer la place et le rôle d'un certain nombre d'individualités dans la sphère du pouvoir. Cet ensemble s'étant ouvert en 2000 avec les conseillers princiers pour se poursuivre avec les femmes politiques, les batailles évêques et cardinaux curiaux et princiers donc, et tout dernièrement maîtresses et favorites dans les coulisses du pouvoir en Occident, au Moyen-Âge et au temps moderne. L'histoire de l'Occident chrétien fourmille de ces hommes d'église appelés à exercer une action politique d'envergure parce qu'ils sont issus d'un milieu familial qui les y prédestine ou parce qu'ils servent à la cour, qui un prince, qui encore un roi, qui enfin le pape. Est-il besoin de rappeler les personnalités d'un sujet dont l'entourage, dans l'entourage des rois capétiens Louis VI et Louis VII? Il s'agit d'un abbé de Saint-Denis, mais le phénomène est-il tellement différent? Du franciscain et archevêque de Rouen, Eudes Rigaud, conseiller de Saint-Louis, de Gilles Eslin, un autre archevêque rouennais parmi les conseillers les plus influents de Philippe le Bel, les archevêques de Sens et de Reims, Guillaume de Melun et Jean de Cran, ainsi que le cardinal Jean de Lagrange sous Charles V. L'époque moderne sera celle en France des grands cardinaux ministres avec un premier et très exemplaire spécimen, Georges Ier d'Amboise sous Louis XII. L'Angleterre, quant à elle, connaîtra des personnalités comme Odon de Conteville, évêque de Bayeux, le demi-frère de Guillaume le Conquérant, mais aussi l'un des hommes les plus riches et puissants d'une Angleterre nouvellement conquise qui exercera à plusieurs reprises la régence du royaume durant les absences du roi. Le très célèbre Thomas Becket, l'archevêque de Canterbury, proche puis ennemi du roi Henri II Plantagenet, que ce dernier finira par faire exécuter. Ou encore Walter Langton, évêque de Lichfield et Coventry, un confident et quasiment un premier ministre pour le roi Édouard Ier. Ce serait brûler la politesse à Cédric Michon, que nous entendrons, qui les connaît mieux quiconque, que d'évoquer longuement ici les prélats anglais de la première Renaissance, que sont le cardinal et archevêque d'York Christopher Bainbridge, Stephen Gardiner, évêque de Winchester, celui de Durham, Casper, Tunstall, ou encore l'archevêque de Canterbury, Thomas Cranmer. Est-ce à dire cependant que la connaissance que nous avons de ces réalités enchevêtrées que sont les prélatures familiales et curiales est parfaite? Certainement non, tant s'en faut. Deux raisons parmi bien d'autres, sans doute, peuvent être avancées pour expliquer nos lacunes encore bien criantes en ces matières. Tout d'abord, force est de le constater, quantité de biographies scientifiques de personnalités aux existences foisonnantes et donc passionnantes aspirent encore impatiemment, inlassablement, à être bâties par des chercheurs de métier. Ainsi, par exemple, et pour nous en tenir au seul pays bourguignon des ducs Valois, très présents à l'île Tournai, si plusieurs ecclésiastiques de leur famille ont eu ou auront l'honneur de travaux parus ou apparaître, tel le fils naturel de Jean sans peur, l'évêque de Cambrai, Jean de Bourgogne, David et Philippe de Bourgogne, les fils bâtards de Philippe le Bon, tous deux évêques d'Utrecht, après un passage à Thérouanne pour le premier, Si des maîtres ouvrages ont pu être consacrés par Claudia Mertel, Malte Pritzel et Christian Krönert, à Jean Jouffroy, à Guillaume Filastre et à Philibert de Monjeu, si Werner Paravicini a esquissé, à sa manière, de façon bien exhaustive, les biographies de cardinaux comme Jean le Jeune, Jean Rollin, Philibert Hugonnet et Ferry de Cluny, combien d'autres mériteraient d'être écrits sur nombre d'officiers, de conseillers ou de très proches membres de l'entourage ducal, tels les évêques d'Arras Martin Porré, Quentin Ménard ou Forteguerre de Plaisance, l'évêque de Thérouanne Louis de Luxembourg ou celui d'Amiens Jean l'Avantage, les évêques de Chalon-sur-Saône Hugues d'Orge ou Jean Poupet, l'archevêque de Besançon Charles de Neuchâtel, pour ne pas parler de grandes figures comme Jean Germain ou Laurent Pignon. Seconde raison peut-être à la relative discrétion de l'historiographie à propos des prélats curieux et princiers, l'angle d'approche choisi pour étudier ce phénomène. Il me semble pouvoir dire sans exagération aucune qu'ils ont davantage intéressé l'histoire de l'art que l'histoire. À côté du récent volume de Jessica Novak, portant sur la carrière du cardinal Giovanni di Castiglione, qui reste bien isolé, l'on signalera notamment qu'un intérêt tout particulier a été porté aux bibliothèques des grands clercs de l'histoire. Signalons simplement trois ouvrages ou ensembles de travaux parmi d'autres, ceux qu'a consacré Gennaro Toscano au sein de son étude sur les livres des Aragonais de Naples au volume du cardinal Jean d'Aragon, le fils et petit-fils des rois de Naples Ferrante et Alphonse V le Magnanime. Le volume publié en 97 par Thomas Hafner sur des bibliothèques des cardinals Giovanni d'Aragona ou encore celui de Massimo Danzi sur la bibliothèque del cardinal Pietro Bembo. Plus largement, le mécénat des princes de l'Église a très largement inspiré historiens et historiens de l'art. L'on se bornera ici aussi à mentionner deux ou trois titres parmi les plus représentatifs. Quasiment tout l'œuvre écrite par David Chambers, consacrée à Renaissance Cardinal, and his royal goods, the will and inventory on Francesco Gonzaga, pour reprendre le titre de son ouvrage principal. Le 1er et 16e siècle se verra à son tour consacré, tout dernièrement, les ouvrages de Carol Kidwell sur Pietro Bembo ou de Helen Hyde sur Bendinello Saoli, pour n'en signaler que deux. Et puis de récents recueils d'études se doivent d'être évoqués, tels l'artiste et le clerc, la commande artistique des grands ecclésiastiques à la fin du Moyen-Âge et les cardinaux de la Renaissance et la modernité artistique. Peut-être convient-il encore d'ajouter que l'on doit quelques-unes des études globales et récentes sur le cardinalat à la tardo-médiévale à des historiens de l'art ou tout au moins à des historiens spécialisés dans l'étude du mécénat cardinalis, avec notamment le Popes, Cardinals and War, The Military Church in Renaissance and Early Modern Europe, de David Chambers toujours, et surtout Reclaiming Rome, Cardinals in the 15th Century, que l'on doit à Carol Richardson, lecturer en histoire de l'art à l'Open University en Angleterre. D'histoire de l'art, de mécénat, de production artistique commanditée par d'éminents prélats, il fut bien évidemment aussi question au colloque de l'île Tournai dans les études d'Enrico Parlato sur le mécénat du cardinal Oliviero Carafa et de Valéry Guéant consacré à la commande des cardinaux et évêques ibériques sous les papes Paul II et Sixte IV, en particulier auprès du maître des missels de la Rovere, Jacopo Ravaldi. L'histoire citaya cependant la part du lion à l'Empire, la Pologne et l'Angleterre avec les communications de Malte Pritzel, de Natalia Nawakowska et de Jessica Sharkey sur les cardinaux Nicolas de Cuse et ses réseaux, Frédéric Jagellon et le pouvoir royal dans la Pologne du XVe siècle et Wolsey et son rôle au cours du divorce du roi Henri VIII, succéda à la France qui s'y vit consacrer un exposé de synthèse de Cédric Michon sur les cardinaux dans la France de la Renaissance, une étude de Vincent Tabac sur les cardinaux Gilles et Pierre Esselin, deux frères au service des rois Charles V et Charles VI, avant d'aborder le cardinal Georges Ier d'Amboise avec l'analyse par Benoît Pierre du véritable clan très impliqué dans ce que l'on pourrait appeler la filière ecclésiastique que fut le lignage du même nom. Puis est venue l'Italie, largement pourvoyeuse en matière de clercs de prestige. Odile de Broglie y traita de la Rome française, d'Avignon, des jardins du Palais des Papes et des livrées cardinalis. Gianni Ricci évoqua deux cardinaux de famille type, Hippolyte Ier et Louis d'Este, alors que Marco Pellegrini nous a entretenu de la naissance du cardinal prince italien de la première Renaissance dans un exposé, là aussi, de synthèse. Mais ce sont les Bourguignons qui ouvrirent alors le bal et qui occupèrent le devant de la scène, les évêques Bourguignons et leur entourage par Delphine Lanneau, les évêques Curieux, héros de la croisade sous la plume de Jacques Paviot, l'évêque d'Arras Jean Canard et son testament brillamment évoqué par Bertrand Schnerb, l'activité diplomatique de Jean Chevreau, évêque de Tournai, comme président du conseil de Philippe le Bon grâce à Marie Van Eckenrode, et enfin Jacques de Coimbre, que j'ai eu le plaisir d'étudier en compagnie de Christophe Masson et de Monique Sommet. Les hasards de la vie scientifique est dans ce colloque, a priori singulier, vous le savez, devient aujourd'hui et ces prochains jours, en quelque sorte, le premier panneau d'un diptyque et le premier volet d'une collaboration scientifique et amicale que j'espère féconde. Quel est l'esprit qui a présidé à l'élaboration de ce nouveau colloque? Quelle est la grille de lecture qui a été proposée aux orateurs que nous allons avoir l'honneur et le plaisir d'entendre ici, dans le prestigieux décor du château de Versailles? Je laisse à mon successeur à la barre le soin de vous les exposer. Merci à vous.